C'est au premier temps de la valse que tous les espoirs nous sont permis. Car au premier temps de la valse, nous sommes tous en Arcadie. Dès le second temps de la valse, la terreur de vivre nous saisit. Car dès le second temps de valse, c'en est fait du paradis. Alors on va, on vient, on rêve ou l'on croit. On aime parfois, on paye où l'on doit. Alors on cherche où l'on trouve selon les cas. Mais la valse est toujours là. C'est au troisième temps de la valse que l'on croit enfin savoir danser. Mais au troisième temps de la valse, nous voilà tout essoufflés. C'est au troisième temps de la valse que nos jupes commencent à s'envoler. Mais au troisième temps de la valse, la boucle est bouclée. Alors on n'en prend plus rien, du bout des doigts, non, tout à pleine main, et on ne lâche pas. Alors soudain on s'agenouille et l'on croit, il n'est jamais trop tard, ma foi. Alors on vit à bout de souffle tout ce qu'on a, et on ouvre les yeux, on ouvre les bras. Alors on retourne en douce sur ses pas, et la valse est un, deux, trois. Il n'y a que trois temps dans la valse, mais ces trois temps-là nous sont acquis. Il n'y a que trois temps dans la valse, c'est bien court mais c'est ainsi. Alors à ces trois temps de valse qui ressemblent à ma vie, je dédie mes erreurs, les soupirs de mon cœur,